vie est belle à tes côtés. Je veux m'attacher pour toujours à tes bras. Dès le réveil, tu fais monter, tu fais monter la chaleur qui traîne dans les draps. La vie est belle à tes côtés. Je veux m'attacher pour toujours à tes bras. Je veux revoir la scène où tu tombes dans mes bras. La ville est belle, illuminée. Je veux m'y perdre en tournant autour dans tes bras.